sur le tonnerre, comme un lâché, je fais des ronds. J'nique des salaires, après j'me grille une Philippe Mau. La caille c'est trop risqué, y'a trop les fédéraux. J'te nique ta mère, à des enfants j't'en fais des beaux. J'démarre le boule de la petite et ensuite j'ai pété ma tête sur la pluie-tête. Dans le fer on a fumé la résine, tu me veux dans ton showcase, mais tu mal c'est plus cher. Toi tu dis que tu la vends. T'as mis tout t'es à terre, t'as des amendes, j'fais comme un land, c'est trop marrant. Si le ne joue est pas bon, j'me porte garant. Ils nous tiennent par la peur, j'crois supérieur, mais tu sais que non. J'ai envie de vider tout le chargeur, plus c'est long, plus c'est bon. Ils nous tiennent par la peur, j'crois supérieur, mais tu sais que non. J'ai envie de vider tout le chargeur, plus c'est long, plus c'est bon. J'suis sur le corner, j'suis posé, j'fais des ronds. Pas près des cours, la peau, j'suis près des lions. J'abandonne toutes les guerres, la vie de ma mère, c'est non les bons. Bleu, violet, jaune, vert, on sort pas sans le caméléon. J'fais le tour de la cité, ah ah, tout comme trois fois filtré, crois-moi. J'fais le tour de la cité, ah ah, les mains sur le canon scié, crois-toi. À mon peine, cœur triste, dépanné, oh. Le glauque des potos, c'est mieux que le poids des mots. G.I.G.N, l'actrice, les fédéraux. Savant la blanco, le je F.A.P.O. Le temps de me contrôler, j'profite à peine à Madena. J'prends la force que Dieu m'a donnée. Ça te la paye à Elon Musk. La vie sert dans le 16ème à porte-maillot. Plus c'est long, plus c'est bon. Caméléon ne rentre pas dans porte-monnaie. Ils nous tiennent par la peur, j'crois supérieur, mais tu sais que non. J'ai envie de vider tout le chargeur. Plus c'est long, plus c'est bon. Ils nous tiennent par la peur, j'crois supérieur, mais tu sais que non. J'ai envie de vider tout le chargeur, plus c'est long, plus c'est bon. J'suis sur le corner, j'suis posé, j'fais des ronds. Pas près des cours, la gauche, j'suis près des lions.